un bébé, un tout petit, quelqu'un à aimer, à nourrir, à regarder grandir. Un être qui ne dépendra que d'elle. Oh, comme déjà elle est pleine de lui, comme déjà elle l'aime, se sent responsable, riche de cette graine qui grandit en elle. Embryon, vie, panique, la joie sauvage, violente, farouche, animale, primitive, ne dure qu'un temps. Très vite, les conséquences, les implications de l'irrémédiable engagement apparaissent. Fini l'insouciance, terminée l'impunité. Désormais, Faustine n'est plus seule, ne sera plus jamais seule. La voilà devenue adulte. Pour commencer, plus d'alcool, plus de tabac, c'est dit. Enfin, une bière par semaine éventuellement et une cigarette, une seule. La dernière remonte à l'humiliante session dans les bureaux de l'immigration à Washington. Si elle reste à la maison, ce ne sera pas bien difficile de tenir. Pas de mauvaise influence, pas de tentation. Maxime ne fume pas. Il ne reste plus qu'à bannir les cigarettes et les cendriers. Pour les odeurs, c'est fait, elle a toujours bien aéré, désireuse de camoufler son vice. Son mari. Mari ? Le terme, encore nouveau, prend tout son sens désormais. Et clarinettiste pendant son temps libre. Il a besoin de poumons dégagés de toute scorie. Le manque, il ne peut plus y en avoir désormais puisque la voilà comblée de ses deux seuls vœux. Un mari, un enfant. Faustine est persuadée que son nouveau statut, épouse et mère, sera suffisant pour la transfigurer. Le compte à rebours commence. Février, mars, primipare. Voilà ce qui est devenu Faustine désormais. On dit aussi gravide. Quel horrible mot. Moche. Il fait penser à un gros tas de gravier statique. Un goût de caillou dans la bouche. Pas question de lui laisser prendre le pas sur son état. Elle sera une mère moderne, intelligente, civilisée et saine. Pas une grosse vache à un pavide habitée par un extraterrestre. Pas une mère à gosse amorphe uniquement centrée sur son parasite intérieur qui déjà la vide de son sang, sa volonté, sa vie. Elle restera coquette, féminine, une maîtresse, une amante. Il ne faut surtout pas que son homme s'éloigne d'elle, regrette ses 18-20 ans de sacrifice, d'abnégation qu'il vient de lui offrir sur un plateau ou presque. Elle se l'est juré. Concentrée sur sa joie, dans son élan de reconnaissance, elle en oublie les mois, les années de supplication, les hectolitres d'alcool engloutis pour bâillonner angoisse et frustration. Hystérie, frénésie, deux autres mots qu'elle rencontre au quotidien. Faustine n'est pas enceinte de 3 jours que son ventre pointe, triomphant. Elle a tellement attendu, il faut que la terre entière sache. Mais elle n'avait pas prévu un tel engouement en retour. Pourtant, elle en a croisé des futures mamans à travers l'Europe, debout dans les bus, le métro, alors que des adolescents occupaient les sièges dans l'indifférence générale. Nulle part ailleurs, elle ne connaîtra le même délire que dans son pays d'accueil. Suffit de dire « I'm pregnant », j'attends un enfant, pour que les cris et les applaudissements fusent, même si l'enfant est encore loin de paraître. Cela uniquement dans le cercle professionnel et amical, parce que côté toubib, la chanson diffère. Une voisine, mère de 4 enfants, la dirige vers le centre du coin. Ici, on obstétrique locale. Pas question de tourisme gynécologique. Faustine prend rendez-vous. Elle aurait préféré être suivie par une femme. Mais les gynéco-femmes sont rares, voire inexistantes. À quoi ça sert alors ce féminisme agressif? Seulement à empêcher les hommes de boire? Et toutes ces batailles menées pour le droit de vote? Si les femmes n'en retirent même pas le bénéfice d'exercer les professions qui les concernent directement? Quel pays étrange, cette Amérique, truffée de contradictions. Faustine est déçue. Non seulement elle ne peut pas choisir son médecin, mais celui changera à chaque visite. 4 obligatoires seulement. De fait, il ne sera pas possible, et pour cause, de déterminer à l'avance qui sera l'astreinte au moment de l'accouchement. Dans ce cabinet, Faustine devient un numéro, un ventre anonyme. Même pas grave, elle se suffit à elle-même. Les dés sont jetés. Pas de retour en arrière possible. Encore une chose qu'elle apprend. Jusqu'à présent, elle a toujours eu le choix. un choix. Dans tous ses actes, elle pouvait accepter ou renoncer, avancer ou reculer. Désormais, ce n'est plus possible. Un autre mot s'impose, irréversible. À partir de maintenant, c'est la vie ou la mort. Évidemment, cette dernière n'est pas une option. Alors se développe dans le ventre de Faustine, en plus du fœtus, l'intruse perverse, la peur, abjecte, omniprésente. Désormais, le poids des responsabilités l'oppresse. Transmettre la vie, c'est aussi forcément dispenser la mort. Elle a lu dans Une histoire des femmes, dont elle a oublié le nom de l'auteur, que si l'homme hait tant la femme, c'est à cause de ça, parce qu'il se retrouve face à l'insupportable et que toute la misère du monde forcément en découle. Faustine conscientise ce qu'elle est en train de faire. Elle aussi condamne d'ores et déjà son enfant. Mais bien avant d'en arriver là, la peur, nouvelle compagne de chaque instant, lui instille toutes sortes d'idées parasites. Elle qui dormait si bien, la voilà envahie de cauchemars. Ses nuits sont peuplées d'images épouvantables. Elle imagine son tout petit, son bébé, sous les roues d'un camion ou encore maltraitée, abusée, malade, infirme. Aucune crainte ne lui est épargnée. Elle n'aurait pas dû lire « Cimetière », le roman de Stephen King. En l'absence de Maxime, les nuits sont longues et les draps froids. Plus rien ne la rassure au cœur des ténèbres depuis qu'elle s'est interdit l'alcool. Elle en a trop entendu sur les enfants nés difformes de parents alcooliques. Heureusement, le jour succède à la nuit. Le soleil revient, la confiance et le courage aussi. Son trésor est encore invisible, bien au chaud. Faustine savoure chaque minute de son nouvel état, d'autant qu'elle se porte comme un charme. Avril. Cette fois, c'est parti pour 3 mois de nausées matinales. Mais chez la future maman, habituée depuis toujours à se faire vomir quand elle a trop bu, la pratique est utile. Elle n'en souffre pas plus que ça. À la permanence médicale, les stratégies se mettent en place. 3 visites de préparation à l'accouchement sont prévues. Elles auront lieu à l'hôpital de Manassas, le plus proche de son domicile. On la presse de réserver sa chambre par la même occasion. Malgré une concurrence acharnée, en ce siècle de libéralisation, pas question de choisir la clinique. La marge de manœuvre est faible. Le cabinet Jean & Co. n'œuvre que dans le périmètre de Manassas. Mais quelle importance! N'est-ce pas bébé la vedette? Pendant les prochaines semaines et jusqu'à la naissance, tout tourne autour de lui. Plus le ventre de Faustine s'arrondit, plus les mains se tendent pour le toucher, le tripoter. Comme elle déteste cela, cette prise de possession de son corps par des étrangers. Elle n'en continue pas moins à se préparer activement. Déjà, elle a recensé les seuls commerces qui l'intéressent, ceux de puériculture. Mais pour commencer, on habille maman. Faustine achète des patrons, du tissu et se met à l'ouvrage. La machine à coudre tourne à plein rendement. Des métrages de cotonnade recouvrent la table de la cuisine. Faustine trouve des modèles faciles et compréhensibles. Elle doit juste faire attention à ne pas surcompliquer. Colline lui a expliqué que ses patrons sont conçus pour des idiotes analphabètes. On perçoit bien la haute considération dont sont créditées les femmes américaines. En clair, il suffit de suivre les indications à la manière KISS. Keep it simple, stupid. Ce qui signifie « reste simple, idiote ». C'est bon à savoir, mais beaucoup moins facile à réaliser. Néanmoins, la future maman est bientôt pourvue d'une garde-robe à rendre jalouses les top modèles enceintes du coin. Autour de bébé maintenant. Pour commencer, une corbeille censée contenir les différentes crèmes, pommades, talcs, ciseaux, brosses et peignes. Au moins que son apprentissage au sein de l'entreprise familiale serve à quelque chose. Ensuite, elle trouve un modèle de porte-couche dans le magazine Good Housekeeping de May, celui dédié traditionnellement au mariage et aux naissances. D'une simplicité enfantine, il s'articule autour d'un porte-manteau. Faustine a choisi un tissu Liberty qu'elle bordera d'une dentelle blanche rapportée de la vieille Europe. Son premier métier lui facilite assurément la confection de ce genre d'objets. Il ne faut pas croire pour autant qu'elle s'en tienne là. Daphné, la fille aînée de Maxime, est toujours présente, poursuivant ses études. Elle a prévu de rentrer à Cagnes fin juin. La jeune fille se débrouille déjà bien en anglais. Afin d'étoffer sa culture générale, elle suit parallèlement les cours d'un organisme d'enseignement à distance. À la stupéfaction de Faustine, Daphné, la chipoteuse, a rapidement adopté les sandwichs au peanut butter and grape jelly, les chicken nuggets et les marshmallows. Elle a même pris quelques cours de cheerleading. Majorette, juste pour voir. En définitive, Faustine ne l'aura pas beaucoup vue. Accaparée comme elle était par les péripéties juridiques autour de sa carte verte dans un premier temps et la venue du bébé ensuite. Mais elle l'a suivie de loin tout en pourvoyant consciencieusement à la logistique. Elles ont rattrapé leur déficit de parlotte lors des séances de magasinage. Les accessoires s'accumulent. De la tétine au chauve-biberon, il y a pléthore de gadgets amusants. Comment résister? Vers la fin du mois, les nausées se font plus fréquentes. Faustine n'en a cure. C'est tellement fantastique de se sentir si vivante. Entre deux projets de couture, Faustine continue à taper les bouquins de Maxime et à rendre service au bureau. Colline lui a demandé combien de repos maternité elle comptait prendre après la naissance du bébé. Faustine n'a pas su répondre. S'il ne tenait qu'à elle, son bébé et son mari lui suffiraient amplement. Colline semblait attendre une sorte de confirmation que Faustine ferait bien comme tout le monde en entrant dans la valse des superwomen. Crèche, travail, dodo. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Avoir attendu si longtemps pour retourner en esclavage illico? Juin, les choses deviennent sérieuses. Bébé a bougé. La première fois, ça fait un choc. Faustine en a pleuré. Depuis, chaque fois qu'elle le peut, elle pose une main sur son ventre. Elle guette le moindre mouvement. Elle a l'impression d'être habitée par un mystérieux objet volant. Bloup, bloup. Son nombril commence à sortir. Ses tétons prennent une belle couleur chocolat. Pendant la visite médicale, l'assistante, encore un truc spécifique, ici les obstétriciens ne restent jamais seuls avec leurs patientes. Protection juridique oblige. Bref, l'assistante prépare Faustine au Doppler fœtal. L'appareil permet d'écouter les battements de cœur du bébé. Alors docteur, garçon ou fille, demande Maxime, exceptionnellement présent. 50-50, répond le toubib en riant. Avant de faire écouter au couple le miraculeux galop. Faustine est émue aux larmes. Elle est devenue incroyablement émotive. Allez savoir pourquoi. Rien que de très normal, dira le médecin. Ses hormones s'éclatent tout simplement. Elles en profitent pour exacerber sa libido. Faustine ne s'est jamais sentie aussi sexy de toute sa vie. Cette fois, c'est Maxime qui peine à satisfaire la demande. Et pourtant, il ne risque plus rien. Juillet. Daphné s'est envolée pour Cagnes rejoindre sa maman et sa sœur. Un soir, Maxime rentre du bureau rayonnant. On va avoir du monde cet été. D'abord Mireille qui confirme ses 3 semaines de vacances. Puis un vieux copain que j'ai retrouvé à Paris la dernière fois que j'y étais. Qui ça? Michel Bastide, le fondateur du Authentic Jazz Band. Je les connais? Pas encore. Ils sont fans de Jabbo Smith, un super trompettiste qui a eu son heure de gloire dans les années 20-30. Ça faisait 40 ans qu'il avait disparu des radars. L'an dernier, des critiques américains et européens lui ont organisé une tournée dans toute l'Europe avec le Authentic. Et cette année, ils viennent pourquoi? Enregistrer un 33 tours avec Jabbo Smith, justement. Je leur avais dit qu'on habitait à Gainesville, qu'ils pouvaient passer. My baby say she loves me. Absolutely, positively. to know she's always thinking of me. Absolutely, positive.